Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa rubrique du jeudi matin. La chronique sur RGM 107. Voilà, je voudrais vous parler de politique, bien sûr, c'est un peu mon rôle à la radio locale, et puis de parler des difficultés que rencontrent les maires. J'ai découvert un article de Vosges Matin, sous la plume d'un certain EB, qui fait état justement des difficultés des maires, de la désespérance des maires aujourd'hui dans cette société à la veille, à l'avant-veille pourrait-on dire, des élections municipales. Voilà, difficultés financières des communes, problèmes juridiques et tensions avec le plus haut niveau de l'État, les élus municipaux vivent un profond malaise qui conduit certains à la rupture. Trop c'est trop. En mars dernier, Stéphane Gatignon, maire de Sevran, claquait la porte de sa mairie. Las des batailles usantes avec l'État pour trouver des solutions pour sa ville de banlieue de Seine-Saint-Denis. Après 17 ans de gestion municipale, l'élu écologiste jetait l'éponge. On peut comprendre qu'effectivement, surtout dans les grandes banlieues, que les maires rencontrent énormément de difficultés et qu'il y a peu d'aide de l'État aujourd'hui. Il y a un désengagement de l'État qui est de plus en plus important. Mais il y a aussi des tensions avec le pouvoir en place. En cause, la baisse des financements, l'inquiétude autour de la réforme de la taxe d'habitation voulue par Emmanuel Macron, la charge de travail accrue par la progression des normes et un dialogue très difficile avec le nouveau pouvoir en place. Il y a eu une très grande lassitude de la part de beaucoup d'élus, même ceux qui continuent. C'est ce que confie Vanik Berborian, président de l'Association des maires ruraux de France. Tout est devenu plus difficile en raison du manque de moyens, des normes, de l'attitude de l'État. Il faut une tonne d'énergie pour réaliser un tout petit truc. À force, ça use, reconnaît celui qui était élu depuis presque 30 ans à Garlilès-Dampierre, dans l'Indre. Un grief revient régulièrement. L'impression de vivre une contre-décentralisation. L'État qui reprend les choses en main, explique le président des maires ruraux. Il dénonce l'incompréhension du nouveau pouvoir sur les dossiers des collectivités locales. Yannick Berberian, toujours lui, cite un exemple. Une élue obligée de faire 1h30 aller et 1h30 retour pour assister aux réunions de son intercommunalité dans l'Aveyron. Étendue trop largement depuis que la loi NOTRe, votée sous François Hollande, a rehaussé le seuil d'habitants minimum pour un regroupement entre communes. D'ailleurs, on connaît ce malaise tout près de nous, puisque la Comcom des Hauts-de-Vosges est particulièrement déchirée, connaît beaucoup de difficultés par rapport à sa surface en particulier, mais pas seulement. C'est-à-dire comment peut-on mettre autant de vallées ensemble qui n'ont pas forcément la même origine, la même culture, la même économie, etc. Ou des économies qui sont rivales. L'accumulation des dissensions n'est pas politique, mais technique. C'est ce qu'insiste Vanik Berberian en citant un exemple. Le conflit qui oppose maire et État sur la question de la gestion de l'assainissement des eaux usées. L'élu rural regrette. On espérait une nouvelle politique à l'égard des collectivités locales après l'élection présidentielle. Mais le nouveau monde n'a rien envié à l'ancien. Je dirais que au niveau de l'intercommunalité en particulier, puis des communes, parce que c'est les communes aujourd'hui qui détiennent la possibilité de la distribution d'eau, on assiste véritablement à une guéguerre souterraine, parce que bien sûr, le pouvoir en place, sous la pression de Bruxelles en particulier, veut privatiser, reprivatiser l'eau au maximum. Et là, c'est véritablement un enjeu d'avenir qu'il faudra surveiller. Voilà, 55%, c'est la hausse du nombre de maires qui ont renoncé à exercer leurs fonctions. Une progression significative par rapport à la précédente mandature, selon un décompte réalisé par l'AFP, est confirmé par les estimations de l'Association des maires de France. C'est énorme, c'est vrai que c'est énorme. Alors il faut quand même donner quelques repères, qu'est-ce que représentent les communes, l'intercommunalité en France. La France regroupe 35 357 communes. Ou dire de certains, c'est certainement beaucoup trop. C'était le chiffre au 1er janvier 2018, ça a peu varié depuis. C'est 59 de moins qu'en 2017, suite à la création de communes nouvelles par regroupement. La Direction générale des collectivités locales recense 1263 établissements publics de coopération intercommunale. La France compte 509 575 conseillers municipaux, 63 648 conseillers communautaires, 4108 conseillers départementaux et 1910 conseillers régionaux et territoriaux. C'est selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les femmes représentent 40% des élus municipaux. Elles sont 48% parmi les élus régionaux, 50% chez les conseillers départementaux. Il y a effectivement des quotas qui sont obligatoires. 44% chez les conseillers communautaires. La majorité des maires a plus de 60 ans. 60% ont plus de 60 ans. Ils sont 38% à avoir entre 40 et 59 ans et 2% à afficher moins de 40 ans. Les maires des communes de moins de 500 habitants touchent une indemnisation de 658 euros brut par mois. Ceux des villes entre 500 et 999 habitants, donc une indemnité de 1199 euros bruts, de 1000 à 3499 habitants, de 1974 euros, de 1664 euros, bruts, de 3500 à 9 999 habitants. Il y a quand même pas mal de communes sur la Comcom, par exemple de Remiremont et celle des Hauts-de-Vosges, qui comprend ce chiffre. Un maire touche 2 128 euros bruts. En haut de l'échelle démographique, les élus des villes de plus de 100 000 habitants ont une indemnité de 5 612 euros. Donc les maires ont quand même de quoi, les maires de communes moyennes et de grandes communes ont de quoi faire. Voilà ce qu'il faut vous dire encore, c'est un André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France, qui déclare « Les élus locaux se sentent méprisés. À quoi est dû le mandat des maires ?» interroge le journaliste. Et de répondre « Au cours des 18 derniers mois, nous observons une accélération d'un phénomène d'usure. » Les maires ont l'impression de subir une volonté d'affaiblir la commune. Ils ressentent un profond mépris de la part de la haute administration et du président de la République, et cela peut conduire certains à la rupture. Les maires font face à une baisse continue de leurs moyens, alors que leur responsabilité ne cesse de croître. Après la baisse des dotations de 10 milliards d'euros sous le quinquennat de François Hollande, Emmanuel Macron annoncer sa volonté de trouver encore 13 milliards d'économies sur les collectivités locales. En parallèle avec la hausse des normes, les responsabilités juridiques des élus municipaux bien sûr, la responsabilité augmente. Les maires se retrouvent étouffés dans un double mouvement d'assèchement financier et de pression juridique de plus en plus importante. Les élus des petites communes ne sont pas les seuls touchés. Ce phénomène concerne aussi les villes moyennes, qui sont l'ossature du territoire français. La France ne se résume pas seulement aux métropoles, comme le pense le président de la République, dit donc M. André Léniel. Pour protester contre la politique actuelle à l'égard des élus locaux, l'Association des maires de France ne participe plus à la conférence des territoires organisée par l'exécutif, qui est une vaste fumisterie. Toujours propos d'André Léniel. Nous voulons, dit-il, réengager un dialogue avec l'État pour une véritable négociation. Nous avons l'impression qu'Emmanuel Macron a le même mépris pour les élus locaux, bien sûr, que pour les syndicats et les corps intermédiaires. Voilà donc ce qu'il fallait dire par rapport à cette situation communale, et pourquoi pas intercommunale. Hein, on le voit, les difficultés aujourd'hui à s'organiser en intercommunalité avec des communes, des intercommunalités qui sont de plus en plus importantes. Et puis on voit aussi, bien sûr, que c'est en grande partie le préfet qui a dirigé les opérations de regroupement des communes, de regroupement de l'intercommunalité, sans tenir compte beaucoup ni de la volonté des élus, ni, bien sûr, encore moins, de la volonté des populations. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.